me sentir plus doux. Je te sers de tout mon cœur et de toute mon âme. La guidance d'amour, mais mon cœur en émoi, mes pas d'amour sont près des tiens. J'agis suivant ce que me disent tes yeux. L'amour exprime ma joie intérieure. L'amour exprime ma joie intérieure. Présent, je vis dans un monde nouveau, juste ensemble, toi et moi. Tu m'aimes et je t'aime, sans chagrin ni peine, sans peine et sans chagrin, sans souvenir douloureux, sans souvenir douloureux. Dans un amour sans obstacle, nos deux cœurs sont joyeux. Éclairés par ta volonté, je t'obéirai complètement. Je ne te désobéirai pas du tout. Je vivrai davantage devant toi et je ne te quitterai plus jamais. Je méditerai sur ta parole, je chérirai ton être et tes possessions. Chérirai ton être et tes possessions. Je m'attacherai à eux pour qu'ils soient ma vie. Et je te laisserai occuper mon cœur. Oui, je t'aime, je t'aime. Ton amour m'a conquis. Donc j'ai le plaisir d'être perfectionné par toi pour satisfaire ton.